De Monsieur de Valu, Jean-Baptiste, né en 1913 à Huy, résident Huy, Poilier. Témoignage recueilli en 1979 par Messieurs de Chêne et Mikkels. Charlie. Ah oui. Et puis alors, je travaille depuis l'âge de 14 ans. Et c'est ce petit magne. Non, non. Tu comprends pas? Si, hein. Après, de 6 à 8. Ah. Tous les jours, excepté le samedi. Je ne sais pas le dire, voilà, hein. Ah ouais. Et vous avez ouvert où, ça, alors? J'ai mon père. Valet... Rue du Marché. Valet Poil, monsieur. De, toujours. Et c'est le même casteur. Ah, mais les ça. Il n'avait même pas la gaz. Oui. Ah ouais, ouais. Et un mazout à vous? Non. Oui. Non. Et les gens prennent plus souvent des poils à... À rouille. À rouille, ah ouais. Et quelle sorte de rouille avait-il à ce moment-là? Ah, de 20-30. De 20-30, c'est ce des grosses rouilles. Oui. Tête de manou. Ah, et coco, il y en a. J'étudiais pour le crapaud. Des cuisinières à Paris. Cuisinières à Paris. Cuisinières émaillées. Et. Ah, elle est triangulaire. Ah oui. Il veut. Hein? Triangulaire. Ouais. Et on faisait beaucoup de bus. On fit les installations à vous. C'est ce qu'on prenait à le prix. Oui. Ouais. Je suis gratuit. Du qu'on paye. On pourrait y aller. Il n'y a pas moyen de te faire parler wallon. Hein. On compte pas tout ce que tu as donné avant. Ah ouais, Denise. Il travaillait avec mon papa, d'abord il va dire voilà, mon papa, et mon papa n'a jamais travaillé qu'avec ce papa. Ah, depuis 1868. Ils avaient des ouvriers, non? Ah, oui, bon, il avait... oui, mon papa avait des ouvriers. Mon père, mes papas m'ont gardé jusqu'à 22. C'est une grande entreprise. Et puis, oui, on avait la ferronnerie et compagnie. Et puis, les allées, ils n'allaient même pas, parce qu'on gagnait les freins. Les allées, ils n'allaient même pas, oncle. Ça les remplaçait. C'est ce que j'ai mis à faire. C'est alors que la gauche, on pouvait descendre. Ouais. Et vous avez indiqué de la quenelle, ce moment-là. Oh, 18h à 5h30, dans l'école industrielle. Et puis on est en a plus que l'école industrielle parce qu'on travaillait jusqu'à 7h, 8h. Ouais. Travailler à Montlédien pour le transport. Et l'atelier. Et l'atelier à vous. Oh, voilà. On fiche les poils à vous, à mon réseau. Ah ouais. Mais... Ah. Bah, tu avais une fonderie et tout ça. Non. On a fiché les côtes, les pavés, mais on faisait les tôles et on les assemblait. L'assemblage. Ouais. Ah ouais, c'est pour cela qu'il fallait une main à deux dans la mosquée. Ah, bon, on travaillait bien court. Naturellement, les prédestinés à commencer. Et vous pouvez me dire que oh, c'est du vin en guerre, ouais. On va dire une cuisinière de Valet d'Ostras 14-5 francs. Grosse cuisinière. Oui. Non, le cuisinière, moi je l'ai dit, on se parle. Il y avait des mesures, là, c'est oui, parfait. On se parle. Paris. Dos, pas de fa. Trace, 14, dépend d'Yves. Mais beaucoup de 10, 11 et 12 pavés. C'est de la moyenne. C'est de la moyenne. Oh, ouais. Et puis depuis le crapaud aussi, à Paris. On a qu'on fait quelques murs. C'est de quoi on prend le crapaud? Pas de bus. Pas de bus. On avait alors des feux à bois là, sous la colonne. Ah, c'est des poêles à feu continu, ça. Ah, c'est des poêles à feu continu. Des choses. Des fonderies bruxelloises, des continentales, et mon estomac mortel est parfait, on le dit. Pas l'Oval, le Flores, tous les poêles de ce type au clap. Vous avez vraiment des clients. Oh, là. On n'a jamais fait de réclame, on a toujours voulu le riche. Ah ouais. Ils vivent aussi fruits castors, ce moment-là. Oui, oui, là, les fruits. Hein, et elle est restée une fruit pour travailler. Et on a envie à vous des gants? Non. Rien du tout, ça. Rien du tout. Et les feux ouverts, il y en a vu, ceux-là? Oui, mais c'était encore. C'est du copé vie, celui-là. Ouais. Du copé vie, ça. Et on veillait ceux-là qui ont les petits questions et compagnie. Mais autrement, ils venaient ceux-là, les choses. On en avait trop vite. Non, non, c'est trop vite, ceux-là. Ouais. De l'après-guerre. Et qu'on a travaillé pour ça, il est remonté un peu le courant. Ça a remonté, hein. Et que le métier de poilier tournait à rien. Ce sont des épiciers, même. Et puis on ne fait plus rien. Et réparer quand de plus. On a chier. Ah oui. Quand on a commencé à travailler, on faisait donc des souches et compagnie, mais mon papa vendait des fonderies bruxelloises, Nestor Martin, qui était ici, oui, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a eu, et pourtant, c'est ça qu'il y a, et pourtant, un ancien public, mais... qui garde comme souvenir. Il avait des compliments, ça, toi. Oh, ouais, ça, il avait. Il a vu des gars en chaleur en face, des concurrents. Puis il a vu deux héros de marché. Il a vu que Rolin voulait aussi. Il a vu Chennai. Il a vu Rousseau sur les fouches. Les petits Walson. Il a vu. Comment? Il a vu Bovie, écho. Qu'il fait vite causer, hein, Gilbert. Tu vois, qu'il a vu, hein? Il a vu bien quoi, ce temps-là. Qu'est-ce qu'il a vu? Et puis, Emmaudour mort, qu'il a vu quand deux potes. Big Madame Dieu voulait. Époque-là. C'est ce que Nestor Martin est plus chier. Bon, un peu moins pareil, hein, comme l'autre. Hein, on va dire que des deux moulins à cette époque-là. Hein? Mais c'est du topel, vous des briques réfractaires à l'intérieur. Il y avait des spécialités avant Nestor Martin, avant les ouvriers. Il y avait des spécialistes, des spécialités. Pour chaque sourd, mais pour faire. Bon, on a laissé tout démonter. Il y a jusqu'à des femmes qui montaient dans ce souverain. Des femmes qui valaient l'ouvrain. Oui, oui. Oui, puisqu'il y avait tout radiateur, grâcement. Une coiffeuse qui a travaillé. Un coquin. Et la concurrence était forte à cette époque-là. Ça, non, mais là. Il fallait travailler au meilleur marché possible. C'est le coup possible. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait à livrer plus ici, non. Le Pachelin. Mais c'est bien de savoir dire cela. Parce que cet opté pour vous vivre, là, hein, c'est que c'est bien grand gens de vendre vos paquets. Ouais. C'est une vieux chale en face. Et à partir du minuit 529, il a fallu mettre toutes les marchandises à domicile. C'est la seule innovation qu'il y avait eu. Ah oui, c'est obligatoire. Non, non, mais pour la concurrence, ah il fallait faire cela. C'est mon lobby. Nous, là, on a attaqué une camionnette qui devait avoir des 26 ans. Et bien, c'était l'air court. Et vous allez jusqu'à... Oh. Clavier, Stray, Mouhan, jusqu'à Burdin. Bien voir. Marelvec, Hiron. Allez, mettons 20 km tout de suite. Et vous n'avez pas eu à s'en faire à moi? Non. Qu'il arrive bien sous là. On n'était pas après la guerre, notre main, qui n'arrive rien sous là. C'est surtout des contents. Contents et qualifiés l'installation. Ah ouais. Ouais, mais c'est une aventure sous là. J'ai cuit le trou et ramasse les autres. Mes papas, hein, il y a une carte. Ils ont des pelles à porter de 65 centimes des kilos devant le gaz de 14. Des kilos? Des kilos. Mais il y en a combien, une carte? Il y en avait. C'est le aussi. Au Fistoli, Sèvrerie et Poirier. En même temps. C'est plutôt le même torto. Parce que la Sèvrerie, il nous met cela, faire une serre, il donne des gouttes de lit. Faire des serres de jardin, des toits vitrés, ah ouais. Une barrière, toutes sortes d'histoires comme ça. Ah, c'est ce qu'il a fait, c'est ce que tu as fait. Spécialité de poêle ventilateur, pour école. Oui. C'est ce que tu as poêle ventilateur. Un balcolonne. Avec des petits bacs d'eau pour humidifier l'air et compagnie. Hein. Et quand je déménageais, je retrouvais des prospectus. Il n'a que dans mon grand-papa. Ah oui, Mathieu, dans les oui, pour grands locaux. Ah. Des formats pain, formats tarte. Pour le carré aussi. Eh bien, pour le carré, j'ai des poêles avec. Il tourne à bout des panneaux de mon pourtant. Hein? Et demain, c'était Onseya. Qu'il appelait ça. Comment est-il fou qu'on en ait vu des louches? Ah, c'est juste. C'est Onseya. De diamètre de. Qu'est-ce que tu as dit? 25 cm. Cette hauteur, 70 cm de haut. Enfin, il y a différentes mesures. Et alors, petite porte à glisser au-dessus. Un couvercle en fente, un cendrier, et il y avait trois pieds et une grille. Et on mettait tout là-bas, n'importe quoi. Et côté feu, il y a du distingue, puisque c'était une affaire côté. On peut dire, il avait une poignée de cuillère, on s'est fou et une once, et on allait falloir retourner. Et les calorifères? Calorifères. C'était le chauffage à air chaud, comme on faisait dans les grands thermorums, dans les églises, avec des conduits. Ah ouais. On voyait le coffre, et qui conduisait, et bien c'est ce tout là. Poil bus plat. Eh bien, de plat bus, celui-là. Plat, de bus, ouais. Un crapaud, quoi. Buanderie portative. Buanderie portative. Un cambolia, un chausson en galvanisé, avec une joudi, on dit que des vins, la conquérateli, et on défie feu de saut. C'est ça. Vous connaissez brûloir à café? Ah oui, ils faisaient des moulins à brûler le café. Ah ouais. Et les formes à pain? Formes à pain, on n'a qu'on fait pendant la guerre. Il y en a fait ça possible, ça n'en veut dire. Mesure à grains. Ah ouais, ils ont des mesures à grains. Mais les modèles qu'ils nous appellent, c'est nous qui sont tournés, pas pour les taper, oui. C'est ça. 61 centimes le kilo. Ah ouais, c'est moi, il y en a que deux, mais les papas. Remise sur la vente en bois, ah ouais. J'en ai pas dit. Échange, c'est que ce qu'on peut faire. Échange. Échange, j'ai pris un envie, il y avait ton oreille. Il y a des occasions, Charles. Oh, il y a des occasions. C'est quasi une carte d'identité, ça. Ah ouais. Vas-y. Pour faire une buse. Pour faire une buse, non? On peut dire des circonférences. On avait un ride à vous dépositer. On mettait trois quarts des pouces des puces, des costilles larges et on met les pouces des costilles strues. On battait, on boire nos costilles, on boire de l'autre, on le rebattait, on l'armait, on le passait faire rouleuse, hein, et puis on est sur le gommet pour la graphie, à vous de citer. Ça y est, combien de temps, monsieur là? Oh, pour faire une bus, d'en mettre. Enfin, ils vont croire dur. Comme de faire. Ah oui. Et Arthur, c'est moi qui ai de faire. Et Arthur, on l'a tenté de faire, parce qu'on prend même les matchs. Et tu as rencontré rectangulaire que tu veux. Et puis, pour faire des bus rectangulaires. Et quoi, c'est le forger à moi, ça. On a vu plus bien que. On le trace, et puis dans une plieuse, on le rebat, et puis on l'affiche. Et voilà ce que c'est qu'on... On ne trouve plus, c'est fini. En poussière. En poussière. On rire, ou des poussières. Et on met 10, faisait 40 pouces. On met 18 pour 40 pouces. Donc on prend au moins 3 cm. Témoignage de